Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur le 22RIG 90.7 de la bande FM et bienvenue aussi sur le RIGFM.fr. Pour suivre cette émission, Johnny de A à Z qui aujourd'hui fête sa 501e émission ici sur RIG. Dit, il y a trois semaines de ça, on avait fait le Bercy, le fameux Coco Bercy délivré par Universal qui sortira le 2 décembre et il y aura prochainement une autre émission sur ce fameux coffret Bercy. On va traiter un album de la semaine. L'album de semaine, ce sera l'album de Johnny Hallyday datant de 1960. Sorti le 7 novembre 1976 exactement, ce sera l'album Hamlet. Et tout au long de cette émission, je vais vous diffuser donc non pas l'intégralité de l'album Hamlet, mais quelques extraits de l'album Hamlet, ainsi que donc du passage radio de Johnny Hallyday lors d'une petite interview avec une classe de Tours, c'était au lycée Grandmont, c'était le 3 février 1977. On aura donc l'intégralité de cette interview ponctuée de quelques extraits de l'album Hamlet. Et si on revient à l'année 1976, et donc aussi également sur cet album Hamlet, c'était un projet exotique et ambitieux. Hamlet révèle le goût de Johnny pour le théâtre, un vieux rêve qui sera finalement perdu de vue dans une année trop intense et trop riche. Sur les ondes, sur disque, sur scène, Johnny Hallyday est omniprésent tout au long de l'année 1976 et cela commence un 13 février, jour où arrive dans les bacs des disquaires et aux radios le 45 tours Requiem pour un fou, qui prend la tête de tous les hit-parades en quelques jours. Ça continue avec la chanson Derrière l'amour qui sort un 9 juin et lui succède comme numéro 1 durant l'été. Le 30 juin, c'est l'album Derrière l'amour qui arrive chez les disquaires et qui deviendra sa plus grosse vente de la décennie. Puis la chanson Gabriel débarque sur les ondes en septembre et cette chanson est également un franc succès. 1976 pour Johnny Hallyday, c'est surtout son grand retour sur une scène parisienne dont il est absent depuis 5 ans. Johnny se produit au Palais des Sports de Paris du 28 septembre au 30 octobre où il donne 35 représentations à guichets fermés, réunissant un total de 200 000 spectateurs. Le double album Johnny Hallyday Story Palais des Sports est mis en vente le 20 octobre. Sitôt achevé ses concerts dans la capitale, Hallyday prend la route pour une tournée en province jusqu'à la fin de l'année et continuera en 1977. C'est dans ce contexte que sort le 7 novembre 1976 son premier double album studio Hamlet, un opéra rock adapté du classique de William Shakespeare, dû au compositeur Pierre Crocola et de l'auteur Gilles Thibault. Hamlet est un projet vieux de 8 ans et qu'à force de persévérance, il est parvenu à concrétiser. La sortie du disque est discrète, personne ne l'attend, personne, même pas le principal intéressé ne l'annonce. Il n'est soutenu par aucune promo, autant dire qu'on signe définitivement son arrêt de mort. Et il est vrai qu'il était difficile de trouver une fenêtre de tir entre les singles Requiem pour un fou, Joue pas de rock'n'roll pour moi et Gabriel. L'idole pourtant se prêtera à quelques jolis exercices médiatiques pour promouvoir son Hamlet. Pour essayer de rectifier le tir, le 3 février 1977, seul RTL, comme à son habitude, s'investit et une émission surprise est organisée dans un établissement scolaire. Johnny, prof, Johnny Hallyday commente Hamlet pour les élèves d'une classe de seconde à Tours. L'émission est diffusée le dimanche 6 février à 21h et la presse salue la performance. Tel ce cours de littérature appliquée rapporté par l'Express, Jean-Paul Guillaume, professeur de seconde C au lycée Grandmont de Tours. Et il n'a pas eu besoin, jeudi dernier, de faire l'appel. Il savait qu'il n'y aurait aucun absent parmi les 34 filles et garçons de sa classe. Pour l'assister dans son explication de texte sur Hamlet, M. Guillaume recevait en effet l'aide d'un auxiliaire inhabituel, Johnny Hallyday. Hallyday côtoya le gouffre, mais n'y tomba jamais. Il avait le trac. Lui, si peu loquace, il évita le piège d'un périlleux discours magistral et finalement, par deux fois au moins, fit passer l'émotion. En dressant d'abord un parallèle entre le doute qui assaille Hamlet, prince et solitaire, et celui qui peut terrasser un Hallyday superstar et saltimbanque. Ensuite, en parlant de la mort. Oui, j'y pense souvent, j'ai même voulu me suicider. Mais le courage, c'est de vivre, c'est pas de mourir. On va attaquer tout de suite avec un petit passage. C'était en avril 1977. Johnny croit toujours à son projet de monter Hamlet sur scène et on le retrouve en interview avec Gilles Thibault. En vacances en Espagne, j'ai reçu un télégramme de Johnny qui était très simple. Il me disait, j'ai lu Hamlet, fais-moi un disque sur Hamlet. Pourquoi Hamlet et pas Othello ou... J'en sais rien parce que faut toujours commencer par quelque chose. J'ai commencé par ça. Et puis, j'ai eu envie de faire quelque chose de différent. Et j'avais envie de faire, j'ai toujours eu envie de faire un disque classique en gardant quand même une base de rock'n'roll, en tout cas le genre de musique que j'aime. Alors j'ai essayé de concilier les deux et on a travaillé sur un disque. Je voyais ça comme un tour de chant, mais avec derrière plein de choses qui bougent, si tu veux, des danseurs, des chanteurs, des chœurs, et qui en même temps racontent l'histoire sans parler, juste en mouvement, en mime. Je voudrais faire ça avec le même nombre de musiciens que sur disque, c'est-à-dire moins 120 au moins. Je vais faire ça comme un concert, sur une scène, une grande scène. Je voudrais avoir quelqu'un avec le talent de, je sais pas moi... Un grand metteur en scène. Un grand chorégraphe pour mettre en scène. En plus, les danses qui se passent, tous les effets, c'est plutôt des choses qu'il faut bouger plutôt que de danser qu'il faut dans Hamlet. Bon, Hamlet, c'est l'histoire d'un prince qui rentre au château de Lisseneur et il apprend que son père est mort. Alors Hamlet pense toujours à sa vengeance, mais il n'arrive pas à tuer le roi. Et c'est lui qui décide de tuer Hamlet. Et tout le reste est silence. J'ai aimé l'histoire d'Hamlet. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a certainement des raisons profondes. Mais c'est sans importance. Essayez de vous raconter cette histoire comme je l'ai ressenti, moi. Et vous la ressentirez comme vous voudrez, vous. Le 3 février 1977, John Hallyday est invité à Tours au lycée Grandmont pour parler autour de Shakespeare. Son dernier album est un opéra rock nommé Hamlet. Dans une salle de la cité scolaire Grandmont, Johnny fait face à une classe d'élèves de l'os de seconde. Le professeur de lettres Jean-Guillaume, féru d'opéra et de musique classique, a accepté la proposition de la radio RTL qui a préparé cette rencontre un peu surréaliste. La raison est que la classe de Monsieur Guillaume a Shakespeare à son programme et que le dernier double album de Johnny s'intitule Hamlet. Au cœur de la discussion, le thème du doute to be or not to be, les élèves s'avéreront un peu trop intimidés, encore plus que Johnny qui avait abordé la rencontre par ces mots « J'espère que ce sera cool ». C'est indéniablement le plus grand musical de France, mais je crois que quand une radio se déplace, il n'y a pas que l'aspect musical qui compte, il n'y a pas non plus que l'aspect journalistique. Ça peut paraître prétentieux, mais pourquoi pas un aspect culturel. Et nous nous étions dit, il faudra absolument qu'on fasse quelque chose dans un lycée, dans un CES, dans un centre de rénovation pédagogique, en tout cas dans un établissement où l'on dispense de la culture. Alors on a cherché ce que l'on pourrait bien faire, et l'idée nous est venue, car il nous en vient de temps en temps, que la sortie du disque de Johnny Hallyday, Hamlet, s'était fait peut-être un petit peu à la sauvette, ça avait été un petit peu éclipsé par cet événement fabuleux qu'avait été le Palais des Sports, qu'RTL vous avait présenté à Paris, auquel peut-être vous êtes venu assister. Alors on s'est dit, si on faisait quelque chose avec Hamlet, bon, que faire avec Hamlet? La question était posée. Après, on s'est dit, après tout, pourquoi est-ce que Johnny ne viendrait pas dans une classe essayer d'expliquer pourquoi il avait choisi Hamlet? Parce qu'au départ, cela pouvait paraître surprenant. Hamlet, ça fait 5 ans que l'on en parle, c'est un petit peu comme l'Arlésienne. Ça fait 5 ans qu'on entend Johnny dire « Ah, je vais faire Hamlet, je vais faire Hamlet », et puis un jour, il l'a fait. Ça nous a tous surpris, et ça nous a d'autant plus surpris que c'était absolument prodigieux, phénoménal. C'était d'une très grande qualité. Alors tout le monde s'est dit... Tiens, c'est bizarre, pourquoi Hamlet? Alors, on a cherché à Tours, un endroit où l'on pourrait venir. On a trouvé M. Guillaume qui nous a, non pas sauté au cou, je n'irai pas jusqu'à cette expression, M. Guillaume est le professeur de la classe de 2e C au lycée de Grandmont, qui nous a dit bravo, formidable, qui a été enthousiaste, qui nous a accueillis à bras ouverts. On s'attendait à avoir des petits problèmes, et en fait, pas du tout. Je sais qu'avant que nous n'arrivions, nous, ici à Tours, Vous avez potassé, comme on dit, ça fait, je vous dis, c'est au moins 15 ans, je crois que Johnny et moi-même n'avons pas pénétré dans un lycée, mais je crois qu'il y a des termes comme ça qui restent indéniablement dans le langage. Alors je crois que vous avez potassé Hamlet. De notre côté, et là je dois être vraiment honnête, et je vous demanderai à vous qui nous écoutez d'être vraiment honnête, on parle tout le temps d'Hamlet, et tout le monde se dit, oh oui, oui, bien sûr, Hamlet, la folie, Hamlet, la mort. Mais maintenant réfléchissez bien et citez-moi 5 personnages d'Hamlet, si vous n'êtes pas en classe. Eh bien, il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Beaucoup de journalistes sont venus avec nous ici à Tours. Il y en avait fort peu qui connaissaient Hamlet. Et quand on parle avec les gens, ils connaissent Ophélie, ils connaissent Hamlet. Et puis, souvent, ça s'arrête là. Gertrude, Claudius, tout ça, ils ne connaissent pas. Alors, nous ne sommes pas là pour poser des questions pièges. Enfin, vous n'êtes pas là pour poser des questions pièges à Johnny à propos d'Hamlet. Ce que l'on va essayer de savoir... Et je crois que c'est le grand thème qui va se dégager de cette émission et des études préliminaires que vous avez pu faire. C'est en quoi Johnny peut s'identifier à Hamlet, en quoi vous pouvez l'identifier à Hamlet, quels sont les grands thèmes qui transparaissent à travers Hamlet que l'on peut retrouver dans la vie de Johnny Hallyday, mais de n'importe quel autre être humain, parce que le suicide, la mort, l'ennui, on retrouve ça chez tout le monde à un moment ou un autre dans sa vie, on subit ce genre de sentiment. Alors, on va écouter non pas la totalité de ce double 33 tours, parce que ça ferait un petit peu long, ça ferait déjà une heure et demie juste d'écoute de disque. On a sélectionné quelques chansons qui correspondent au grand thème. Il y a Le Vieux Roi est mort, peut-être l'orgie, j'effacerai de ma mémoire, je suis fou. Enfin, vous les verrez tout au long du déroulement de cette émission, vous les fera entendre. Et puis à la suite de ça, vous aurez vous aussi un micro, comme dans les conférences de presse, qu'elles soient à l'Elysée ou ailleurs. C'est vous, cette fois-ci, qui allez tenir le bout de bois, comme on dit. Vous avez Johnny Hallyday en face de vous. C'est une occasion à ne pas rater. Ça ne se représentera peut-être pas. Alors, à vous de lui poser les questions les plus intelligentes possibles, et ça, je vous fais confiance, les plus fines possibles. Et je sais que Johnny, aidé par M. Guillaume, aidé par moi-même, et surtout avec ses tripes, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, il le dit au début du disque, il a aimé l'histoire d'Hamlet, va essayer de vous faire partager, de vous faire comprendre le pourquoi du comment de tout cet Hamlet. Et puisque nous en sommes justement à l'aspect show business, entre guillemets, de ce disque, je crois qu'il faut saluer le travail d'abord de Pierre Gros-Collin, qui a fait la musique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si c'est le genre de musique que vous écoutez d'ordinaire chez vous, mais je trouve que la musique a été remarquable, et peut-être encore plus remarquable sont les arrangements de Gabriel Yared et de Roger Loubet, qui ont donné une dimension symphonique tout en étant dans la même couleur que les chansons que vous pouvez entendre ordinaire, soit dans la voix de Johnny, soit dans la voix d'autres personnes. C'était d'ailleurs une question que je voulais vous poser, M. Guillaume. Est-ce que, mis à part le fait d'être confronté à Hamlet, vous écoutez chez vous de la, ouvrez les guillemets, rock music, ou quel genre de musique vous écoutez? Je suis sûr que ça va passionner vos élèves. Vous voyez? C'était sûr. Bon. Eh bien, je vous dirais d'abord que j'écoute de la musique comme tout le monde. J'écoute RTL ou Europe 1 ou France Inter, toutes les radios comme tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, j'en écoute. Maintenant, je vous dirai ensuite que ça n'est pas, si vous voulez, ma musique. Quelle est votre musique? C'est la musique que l'on appelle classique, si vous voulez, et en particulier l'opéra. Et nous reparlerons peut-être de la musique. Mm-hmm. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Et j'ai été très surpris en entendant, en particulier, le passage instrumental qui ouvre la dernière face du second disque, mm-hmm. Où j'ai trouvé des réminiscences de quantité d'œuvres lyriques et qui sont très habilement mises en situation ici au moment où Johnny va chanter la mort d'Ophélie. L'histoire d'Hamlet, vous la connaissez. Ceux qui nous écoutent à l'autre bout de leur petite boîte noire, qui s'appelle un transistor ou une radio, tout simplement, si elle marche à lampe, ne la connaissent pas obligatoirement. Eh bien, ils vont la découvrir au fur et à mesure de cette émission. Nous sommes à Elsener, c'est au Danemark. Vous imaginez, pour vous resituer, à vous qui avez 16-17 ans, vous resituer un film de, peut-être pas Boris Karloff, mais un film d'épouvante. avec la mer, la brume, un château féodal à la Victor Hugo, un petit peu comme il y avait en couverture de la gare de Nichard à l'époque où moi j'étais à l'école, je ne sais pas si ça existe toujours. Et devant cela, il y a Hamlet, et on apprend le cœur antique, je crois que l'expression maintenant est restée dans le théâtre, on apprend que le vieux roi est mort. Le vieux roi est mort depuis moins d'un mois. L'herbe sur sa tombe ne pousse encore. Que femme, la femme n'est que chienne, un bâtard l'enflamme. Casse-toi. Toi, mon cœur, mon amour, tais-toi, pleure à l'intérieur. Il a mis du blanc sur la reine noire. Nous deux on dit oui. C'est mal, et ça fait mal. C'est mal, oui c'est mal, et ça fait mal. C'est mal, quand un homme a trop mal, il n'en sort que du mal. Oui, du mal. Oui, donc, dès le début de la pièce, les personnages sont installés, un petit peu, on est au courant de ce qui va se passer, et je crois que là, M. Guillaume, qui est donc le professeur de ce lycée de Grandmont où nous sommes ce soir, pour ce post-restant tout à fait spécial consacré à Hamlet, pourriez peut-être nous faire un petit résumé de la situation au début de la pièce. Vous ou l'un de vos élèves, d'ailleurs, si vous préférez. Exactement. Qui ? Le cancre de la classe ? Y a-t-il un cancre dans la classe ? Il n'y en a pas. Bon, à part Johnny et moi, il n'y a pas de cancre. Alors, qui commence ? Une demoiselle. Après tout, vous êtes les plus nombreuses. Voilà. Elle est juste en face de nous, tant pis pour elle. Elle ressemble à Ophélie, elle a des longs cheveux blonds. Voilà. Non, non, ne te retourne pas. Que se passe-t-il? Le début d'Hamlet. Hamlet est fils de roi, son père est le roi du Danemark, et il vient de mourir. Et c'est sa femme, l'ancienne reine, a épousé son frère, enfin l'oncle d'Hamlet. Mm-hmm. Et dans le premier acte, je parle du premier acte, Hamlet, qui soupçonnait son oncle d'avoir tué son père, apprend par le spectre de son père qui revient que c'est la réalité. Son oncle l'a empoisonné pendant son sommeil et par des cadeaux a réussi à épouser la reine. Et le spectre demande à Hamlet de le venger, de venger sa mort. Bon, donc là on a déjà les trois personnages principaux en fait, qui sont Claudius, qui est l'assassin présumé, il n'a pas été jugé encore, alors on peut rien dire, l'assassin présumé du père d'Hamlet, qui sera le spectre, qui viendra rendre visite donc sur la grande estrade, enfin la grande terrasse qui se trouve devant le château. Il y a donc Claudius, il y a la mère d'Hamlet, qui est Gertrude, qui était l'ancienne femme donc du père de Hamlet et qui a épousé Claudius, qui est le frère et qui a donc commis l'assassinat. Et puis il y a Hamlet, et là on vient d'apprendre donc qu'il y a eu assassinat présumé du vieux roi, et c'était cette chanson donc, le vieux roi est mort depuis moins d'un mois et Claudius a épousé Gertrude. Voilà, alors est-ce que ça vous inspire d'ailleurs, des questions? Je dois dire d'ailleurs que toute la suite de l'histoire est basée sur le doute finalement, puisque c'est ce que s'imagine Hamlet. D'où sortira sa folie ou sa fausse folie, enfin se ressortira plutôt. Enfin, on n'est pas arrivé là encore. Non, mais en tout cas, les germes. Non, mais c'est important. Le début est très important parce que c'est ce que Hamlet s'imagine, et c'est à cause de ça que toute la suite, disons, se résumera par le doute et la certitude. Et d'où vient la célèbre phrase « To be or not to be » et ainsi de suite. bien. En plus, le cadre est bien posé. Il ne faut pas oublier dans quel état d'esprit et quel état d'esprit régnait justement à la cour, à Elsener, et régnait un petit peu, je crois, M. Guillaume, dans toutes les cours. À l'époque, en Italie, on en a beaucoup parlé, mais bon, c'était une sorte de décadence, même si on était dans les pays nordiques. On le voit avec cette chanson qui s'appelle L'Orgie. On s'entretuait pour le pouvoir. Les passions étaient, on ne peut plus, exacerbées. Bon, Shakespeare en a profité, parce qu'à la fin, on a quand même 6 ou 7 morts sur le plateau, ce qui fait pas mal. Et les caractères sont toujours exacerbés. Bien sûr, c'est Shakespeare qui fait représenter Hamlet en 1601, je crois. L'histoire d'Hamlet, c'est une vieille légende, une vieille histoire de l'ancien Danemark, mais il est bien certain que si on regarde simplement les noms des personnages, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans un pays donné ou dans un lieu donné, peut-être, mais vous remarquerez des personnages qui ont des noms italiens, par exemple, ou d'autres dont on ne sait guère l'origine, ce qui indique qu'il ne faut pas, je crois, chercher un cadre chronologique et temporel précis. Je crois qu'il faut déjà songer à ceci. C'est une pièce qui se passe dans tous les temps et qui est bonne aussi bien pour cette époque-là que pour aujourd'hui. Moi, il y a une première question qui me vient spontanément ici, qui m'est venue en lisant Shakespeare et qui m'est venue en écoutant votre première chanson. C'est Hamlet qui parle ici, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire que c'est Hamlet qui parle à travers lui. Oui. Et ensuite, bon, dans le disque, disons les enchaînements, parce qu'évidemment, c'était assez difficile à faire en chanson. Pour le déroulement de l'histoire, c'est qu'on a trouvé à la formule de faire chanter, disons, les enchaînements, donc le déroulement de l'histoire, par des chœurs. Oui, c'est le cas. Qui chantent dans le disque. Oui. Qui chantent en général quand moi je ne chante pas. Oui. Et si vous voulez, qui permet de suivre un petit peu plus facilement l'histoire, parce que c'est difficile pour moi de chanter l'histoire d'Hamlet et en même temps ce que je vois et en même temps à la troisième personne. Exactement. Oui, c'est l'éternel problème du cœur antique. Du cœur antique. Ont toujours servi tous les écrivains. Exactement. Qui permettent, c'est le mur pour rebondir, oui, pour faire question-réponse et pour éclaircir une situation donnée. Mais ce que je voulais dire ici et qui me paraît important, c'est parce que ce qu'en diront les élèves et ce que vous en direz, c'est ici, c'est la mort du vieux roi. Vous avez dit, on apprend la mort du vieux roi. Mais qui apprend la mort du vieux roi? Qui connaît les circonstances de la mort du vieux roi? Moi, je connais la mort du roi par le spectre. Et il ne le révèle à personne. Il le garde pour lui-même. Et il dit qu'il y vengera le roi plus tard. Et il le fait. Et pourquoi est-ce important? Je pose la question à tout le monde. Qu'il soit le seul à le savoir au début. Par le doute. Si voilà, je peux me permettre de répondre. Vous avez très bien répondu tout à l'heure. C'est pour ça justement qu'on a fait une chanson qui s'appelle Doute. Exactement. Car tout le déroulement de l'histoire, et d'ailleurs la tragédie d'Hamlet, car c'est une tragédie, est basée sur le doute. Voilà. Il m'a semblé justement que dans la mesure où il était le seul à savoir au début, il était le seul à connaître ce terrible secret d'une vérité, et sans avoir les moyens ou la force peut-être de crever l'abcès qui révélerait cette vérité. Et au fur et à mesure qu'il va y réfléchir, c'est le doute qui va venir dans son esprit. D'où l'ambiguïté permanente, voilà, dans toute la pièce, bon, voilà, qui viendra avec tout bien notre Toby également, mais voilà, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il n'est pas fou, est-ce que ce qu'il dit avoir vu est vrai, ou est-ce que c'est faux? On n'en saura jamais vraiment rien. La première élève qu'on a interrogée et qui a essayé de dire quelque chose d'intéressant, elle a parlé du mal, elle a parlé de la fin de votre première chanson, là. Je crois que le mal est de toute façon... Le bien et le mal est dans chaque personne. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire par le mal. Le mal, en fait, on nous expose le mal par la mort du roi, donc, et le remariage de la reine avec l'autre roi, le nouveau roi. C'est-à-dire que pour lui, pour Hamlet, oui, le mal, c'est mal pour sa mère de s'être remariée, voilà, si tôt. C'est ça le mal, en fait. Mais c'est exactement ça que ça veut dire. Voilà. Et d'ailleurs, il y a... Vous avez très bien compris. Il est dit, bon, c'est mal, et ça fait ça mal. Ça fait mal. Bon, ça c'est très... Vous voulez nous en parler encore un peu? Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je pense que il était très touché. Il a... Même pour l'amener presque, disons, jusqu'à la folie, ou la... ou en tout cas la fausse folie, et que finalement pour lui, il en est arrivé là, parce que pour lui c'est mal que sa mère se soit remariée. Et puis il le dit encore dans les textes, quand les draps de lit sont encore chauds, ou pas encore froids. Pas encore froids. Parce que Hamlet est un personnage quand même très moral malgré tout, et que finalement ça a un peu aussi rapport avec la moralité. La moralité, je veux dire, on a tous une moralité différente. Disons, la moralité qu'on a voulu nous inculquer depuis qu'on est tous nés, c'est le bien et le mal. Bon, moi je n'ai jamais su savoir où était vraiment le bien ou le mal. Si des fois le bien c'était pas le mal et le contraire. Simplement, c'est que disons pour une chose, pour une société qu'on nous a apprise, c'est que le mal c'est ça et le bien c'est ça. Et c'est pour ça que normalement, quand on est veuf, il faut respecter un certain nombre de temps avant de se remarier, etc. Bon, ben c'est ce qu'il explique par ses propres sentiments dans la pièce, je crois. En plus, il y a deux lignes qui sont explicites, qui se veulent être des excuses vis-à-vis de sa mère et qui, en fait, sont des accusations vis-à-vis de l'agent féminine. « Ma mère n'est que reine, la reine n'est que femme, la femme n'est que chienne ». C'est ça. Bon, ça c'est pas Shakespeare, c'est Gilles Thibault. Mais c'est quand même bien expliqué. Oui, mais c'est ce que Gilles Thibault a compris à travers lui, en façon d'interprétation que lui a... Sa sensibilité shakespearienne. A prise de Hamlet, de la façon que Hamlet l'a expliqué. J'effacerai de ma mémoire tous mes souvenirs d'enfant. Depuis couper le cordon jusqu'à ma première dent. J'effacerai de ma mémoire mes souvenirs de jeunesse. Depuis mes derniers boutons jusqu'à ma première caresse. Jusqu'à la nuit qui vient. Et dans le livre de mon histoire, les pages deviendront blanches du début jusqu'au mot fin. J'effacerai de ma mémoire tous mes souvenirs d'amour. Depuis mon dernier je t'aime jusqu'à mon premier toujours. Depuis mon premier poème jusqu'à ma dernière guerre. J'effacerai de ma mémoire depuis mon premier jour jusqu'à la nuit qui vient. De demain et ma tête se videra, je serai fou enfin. J'effacerai même ma mémoire et le néant s'ouvrira, mais je ne t'oublierai pas, j'y plongerai avec toi. Jusqu'à la nuit qui vient. Et dans le livre de mon histoire, les pages deviendront blanches du début jusqu'au mot fin. Mot fin, mot fin, mot fin, mot fin, mot fin, mot fin, mot fin, mot fin. Vous écoutez l'émission Johnny de AZ ici sur AEG sur Bordeaux avec ce soir un album de la semaine Hamlet et Johnny Hallyday en cours, en classe à Tours, à Grandmont. J'effacerai de ma mémoire. Bon, vous avez entendu cela. S'il y a une question à poser à Johnny à propos de cette chanson, du texte que vous connaissez par cœur maintenant, puisque vous l'avez lu sous les yeux, allons-y. Demoiselle. Johnny, pourquoi avez-vous choisi Hamlet, le thème de... Pourquoi j'ai choisi le thème d'Hamlet? Eh bien, ce serait un peu rapide et un peu facile de répondre parce que je me suis reconnu dans le personnage. Mais surtout parce que j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant. Et à l'époque, je voulais faire quelque chose d'un peu différent que d'enregistrer, par exemple, 12 chansons pour un album. Avec Je t'aime, tu m'aimes, tu me quittes, je te quitte. Bon. Et je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Alors, faire quoi? Je veux dire, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout en chanson. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut pouvoir en deux albums, par exemple, c'est-à-dire en deux disques, un double album, pouvoir expliquer une histoire. C'est pas facile de raconter une histoire. Alors j'ai choisi Hamlet parce que le personnage, je l'ai trouvé humain, que finalement Hamlet a, aurait pu se passer aujourd'hui. Je veux dire, c'est une histoire qui ne se démode pas. C'est un problème, je veux dire, actuel de tous les jours. Pourquoi ça va mal partout? Parce que on vit avec le doute. On doute de quelqu'un qu'on aime. On doute de l'amour. On doute de l'avenir. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et je crois que finalement l'histoire d'Hamlet dans un contexte un peu différent, à une autre époque, avait à peu près les mêmes problèmes qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et si vous voulez, les angoisses d'Hamlet et ses passions m'ont intéressé, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Je vais peut-être intervenir pour ajouter quelque chose que Johnny ne peut pas ajouter, par modestie. Mais il y a en plus un certain nombre de points qui sont communs à Hamlet et à Johnny, qui sont, bon, que d'une certaine façon, j'ouvre les guillemets, surtout que personne ne prenne ça au sens littéral, dans son sens littéral, mais d'une certaine façon, c'est un prince, d'une certaine façon, il a une cour autour de lui, d'une certaine façon, on lui a souvent dit, et je pense que Gilles Thibault l'a fait sciemment, on lui a dit « t'es fou comme une tomate », dans la chanson un petit peu plus loin, il dit « je suis fou », ça l'arrange aussi bien souvent de passer pour un fou, pour un cinglé, parce qu'on pardonne tout à un fou, et fort souvent ça l'a arrangé, je le sais, je le connais bien. Donc il y a beaucoup de points communs comme ça dans la vie personnelle. Il y a des moments où il a douté. C'est très dur de toujours avoir des gens autour de soi qui n'ont pas toujours le courage de vous dire que quelque chose ne va pas ou n'est pas bien. Il ne repose que sur lui. Et il y a des moments où, Monsieur Shakespeare, excusez-moi, on pédale un peu dans la choucroute. Et ça lui est arrivé, comme ça arrive à Hamlet. Je pense que tu ne pouvais pas le dire, mais il y a aussi tous ces points qui sont assez communs. Certainement, oui. De toute façon, on vit tous avec des angoisses personnelles, et surtout, je crois surtout dans ce métier, encore plus que dans un autre. Parce que est-ce que c'est bien de faire ça, est-ce que c'est pas bien, on ne sait jamais. Mais je crois qu'il y a une sorte de similitude avec Hamlet. Monsieur Guillaume, je n'avais pas prévu dans la liste des chansons qu'on écouterait. J'effacerai de ma mémoire, je vais vous le dire. Ah, oui. C'est vous qui avez demandé à ce qu'on la rajoute. Mais oui. Pourquoi? Eh bien, Florence Godet a posé une question générale tout à l'heure. Moi, je voudrais qu'on revienne pendant quelques instants sur un point particulier de cette chanson-là. Oui. Est-ce que un des élèves ici présents voudrait justifier justement cette affirmation d'Hamlet ici? Pourquoi veut-il effacer tout cela de sa mémoire? Je pense que le personnage d'Hamlet vit en parfaite autonomie avec le reste des personnages de la pièce. Et c'est peut-être pour ça qu'il veut devenir fou, qu'il veut passer pour fou, pour pouvoir comprendre, être seul, se sortir de l'ensemble, enfin, disons, des autres personnages de la pièce. Vous devez trouver d'autres réponses, c'est ça? Je trouve que c'est expliqué dans la chanson précédente, quand il dit « c'est mal et ça fait mal », parce qu'il veut effacer tout ça, parce que justement, ça lui fait mal. Je crois que Hamlet, veut surtout effacer de sa mémoire la... Bon, je ne me rappelle pas des textes, hein, alors j'ai une très mauvaise mémoire, de toute façon. Non, mais par exemple, les pages deviendront blanches du début jusqu'au mot fin, voilà. Parce que pour lui, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est cassé, à mon avis. Et il veut effacer de sa mémoire. Voilà. Par, il veut devenir virginal, il voudrait, disons, s'il pouvait, c'est-à-dire recommencer, disons, tout à zéro. Il veut tout effacer de sa mémoire pour se consacrer uniquement au problème de la mort de son père et de le venger.

Vous écoutez Johnny de A à Z ici sur l'antenne du RIG avec cette émission spéciale Hamlet et Johnny Hallyday dans le lycée de Tours de Grammont pour parler justement de Hamlet. On va faire un petit intermède justement dans cette interview et je vais vous parler un peu du livre Tout Johnny qui a été concocté par Jean-François Chenu, Bernard Fossé et Thibaut Geffrotin. Et il y a dans ce livre qui est très très bien fait, hein, qui regroupe toute la discographie de Johnny Hallyday, il y a également des interviews. Alors des interviews, si je retrouve un peu la page concernant les interviews, on retrouve celle de Joey Greco, Jean-Marie Perrier, Mickey Jones, Michel Mallory, Jean Renard, Gabriel Yared, Roland Guillotel, Yannick Top, Michael Jones, Jean-Manuel Cogis, Norbert Krief, Robin Le Mesurier, Eric Benzi, Yvan Cassard, Pierre Giaconelli, Philippe Huminski, Bertrand Lamblot, Maxime Nucci, entre autres. Et on retrouve aussi également une interview de Gabriel Yared, qui a participé donc sur cet album Hamlet. Et donc, ses propos ont été recueillis en avril 2022 par Thibaut Geffrotin. Et si je vais vous lire quelques passages de cette interview. Temps fort de votre collaboration avec Johnny, vous orchestrez et dirigez avec Jacques Revaux l'opéra rock Hamlet, chef-d'œuvre méconnu de la discographie hallydéenne. Gabriel Yared répond: c'est à l'occasion de ce projet que j'ai vraiment découvert Johnny et que j'ai entretenu les rapports les plus intimes avec lui. Ce double album lui tenait à cœur. J'aime beaucoup cet opus qui n'a malheureusement pas eu le succès qu'il méritait. Je l'ai réécouté il y a quelques temps. La prestation de Johnny est vraiment incroyable. Johnny n'a peut-être jamais aussi bien chanté que lors de ses séances de studio. J'allais vous dire exactement la même chose. Il n'a jamais aussi bien chanté. Écoutez, je suis fou. C'est incroyable. Dans le coda, il se déchaîne complètement avec les cordes. C'est un Johnny qu'on ne connaissait pas. Quand il y monte, c'est un bluesman, un chanteur incroyable qui a des possibilités invraisemblables. D'autant que cela ne ressemble pas à ce qu'il avait fait avant. On découvre quelqu'un de nouveau. Comment expliquez-vous cette voix envoûtante particulièrement sur cet album? Je crois qu'il a beaucoup aimé le concept. Il a adoré chaque orchestration qu'il découvrait. Avant d'entrer en studio, il connaissait seulement les maquettes de Pierre Crocola qui étaient essentiellement en guitare-voix. À l'époque, on n'avait pas de sample et tout ce qui existe aujourd'hui pour enregistrer des maquettes ressemblant aux orchestrations finales. Je sentais qu'il était concentré sur tout ce qu'il écoutait. Il réfléchissait à la manière dont il allait chanter. Je garde particulièrement le souvenir de Je suis fou. J'étais là quand il a chanté. J'étais sidéré. Je n'avais jamais entendu Johnny chanter ainsi. Entouré d'un gros orchestre avec des mouvements de cordes, de cuivre, de percussions, il nageait dedans comme s'il était chez lui. Pendant qu'il interprétait ce morceau, je me souviens m'être dit: Gabriel, tu as bien fait de te donner à fond dans ce travail, car cet artiste est génial. On écoute la suite de cet album Hamlet avec Ophélie aux Folies. Le soleil sans vergogne fait d'une peau vermeille une infecte charogne. Fuis devant le soleil. Et devant le soleil, courir est sa besogne. Puis devant le soleil, il te fera charogne. Yeah. Alors ça, je crois que c'est le thème qui vous a tous excités, qui nous a tous excités. C'est quand même l'un des thèmes les plus excitants, reprenons ce terme. C'est le thème de la folie. Bon, avec des mots bien sûr très contemporains. Je suis fou comme une tomate, je ne tiens pas sur mes pattes, je marche, je vais de travers, je vois rouge et je suis vert. Je pense qu'à l'âge que vous avez quoi en moyenne? 16 ans? À peu près, quoi. De 15 à 17, pour ceux qui sont en retard et pour ceux qui sont en avance. Je crois que la folie, c'est un... La folie avec le suicide, c'est l'un des grands thèmes de cette époque. C'est ce qui vous titille. C'est ce qui peut vous motiver aussi. Et il faut d'ailleurs se méfier, parce que souvent, à jouer le fou, on devient fou. Ce qui est peut-être également l'un des thèmes d'Hamlet. Est-ce que vous pensez que Johnny Hallyday est fou? Une réponse franche et massive. Qui osera dire oui, à part moi? Et moi aussi. Ah vous? Ah ben voilà. Non, je crois qu'il faut poser la question un peu autrement, sans quoi on n'osera jamais. Personne n'aurait osé vous le dire d'abord, et ensuite... Oh, moi, ça ne me dérange pas. Non. Je peux se permettre. Voilà. Chez moi, on me le dit tous les jours. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est la folie, par exemple, dans l'Hamlet de Shakespeare? Qu'est-ce que c'est la folie? Et une fois qu'on aura défini ce que c'est là, eh bien, je crois que vous pourrez être fou, et ça sera rassurant. J'espère. Voilà. Là-bas, je crois. C'est pire que de la folie, étant donné qu'il a besoin d'être fou. C'est enfin ce que je pense. Il a besoin d'avoir une image de fou. Et je pense que ça peut soulager certains de voir quelqu'un qui s'exprime sans aucune barrière, sans aucune frontière. C'est-à-dire que la folie, on peut l'interpréter également de manière différente. C'est-à-dire que au départ, quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas la même chose que tout le monde, c'est déjà de la folie. Par exemple, je veux dire... Tout le monde aime quelque chose et puis cette personne-là n'aime pas. Alors on ne comprend pas pourquoi, alors il est fou. Il y a plusieurs façons de folie, il y a plusieurs manières de folie. Quelqu'un qui ose faire quelque chose que les autres n'osent pas, il est fou de faire. Il y a les fous qui conduisent trop vite en voiture. Il y a les fous en amour. Il y a plusieurs genres de folie, je veux dire. Moi, à mon avis, les gens qu'on considère fous sont des gens qui n'ont pas peur, qui ne sont pas restreints par quelque chose. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de s'extérioriser et de peut-être faire des choses que les autres auraient peut-être envie de faire, mais n'oseraient pas. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Par exemple, faire Hamlet, je peux vous dire que quand, pour la première fois, il y a à peu près 5 ans, quand on a lu dans la presse, Johnny Hallyday va enregistrer Hamlet, tout le monde a dit, mais il est complètement cinglé, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, et puis il a fini par le faire, et c'est pas ridicule, loin de là. Donc, bon, Johnny fait partie des chanteurs que l'on appelle fous. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il va un petit peu plus loin que tous les autres. C'est ce qui fait aussi qu'il est Johnny Hallyday depuis 15 ans. Sinon, il aurait rejoint le rang depuis fort longtemps. Ceci dit, il faut pouvoir endosser sa démesure. Ce qui n'est pas toujours facile. Bon, dans le cas de Johnny, il a des facultés physiques, par exemple, intellectuelles, qui lui permettent un certain nombre de choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Il peut chanter 3 fois dans une nuit, en perdant 3 kilos à chaque fois. Bon, pas un seul autre chanteur peut le faire. Lui, il peut. Est-ce qu'il y a des jours où tu as fait semblant d'être fou pour éviter quelque chose? Oh oui, tout le temps. Le dernier exemple en date. Ça n'a pas marché. Mais j'avais pas tellement envie, pour dire la vérité, il faisait pas très beau. Je m'étais couché tard parce que je suis en train d'enregistrer un nouvel album en ce moment. Et j'avais pas tellement envie de me lever ce matin, pour vous dire. Alors j'ai simulé d'être malade, mais ça n'a pas marché. Et on m'a amené de force dans l'avion, où d'ailleurs j'ai eu très peur. Et j'étais pas le seul. Oui, non, ça c'est vrai, on a tous eu peur. Et puis maintenant, finalement, que je suis là, je suis ravi. Moi, je dirais là, tout simplement, le fou, c'est celui qui ose dire ce que les autres n'osent pas dire. C'est celui qui ose sortir des convenances, ici, et qui ose, dans des formules pittoresques ou poétiques que l'on n'oserait pas employer, décrire une vérité que tout le monde doit penser, mais que personne n'oserait dire. Cette vérité peut avoir des allures triviales, le fou est trivial, le fou du roi par exemple. Et c'est là un enchaînement tout prêt pour ce qui suit. Vous rappelez-vous, dans la scène du cimetière, on reconnaît le crâne de Yorick, le fou du roi. Qu'est-ce que c'était ces fous du roi dans les cours anciennes? Quel était leur rôle? À quoi servait-il? Le fou du roi amusait la cour par sa folie, quoi, par ses bêtises. Qui pouvaient être des vérités. Eh oui. Il amusait la cour en se moquant des personnages et des invités en leur disant leurs quatre vérités. Exactement. C'est celui sur lequel, justement, on pouvait reporter toute sa haine et toute sa hargne, voilà. Sans pour autant, il cristallisait les mauvaises ondes, comme on pourrait dire, oui. Pour pouvoir, justement, que les autres se déchargent de cela. Mais lui, on ne lui en voulait pas, car lui, il était estampillé, fou comme une tomate, officielle. Donc, il n'était pas là pour déranger. En fin de compte, la dernière réponse était la meilleure, voilà. À mon avis. 20 sur 20. C'est que finalement, s'il s'excuse dans la chanson « Pardonne-moi, fou de roi », si je suis plus fou que toi, c'est parce que, disons que lui, il allait encore plus en avant que le fou de roi. Voilà. Et, comme on dit, dans une certaine société, il vaut mieux se taire que de dire les quatre vérités des gens. Et disons que c'est une forme de folie, disons. Celui qui est fou, c'est celui qui ose. C'est ça. Mais c'est ce qu'on a commencé d'ailleurs tout à l'heure, ce que j'avais dit. Je vais encore dire une chose, c'est qu'il y a chez Shakespeare, je crois, ce grand thème, le fou est sage et le sage est fou. Le sage, celui qui vit comme tout le monde, vous l'avez dit tout à l'heure, celui qui a une vie sans problème, très réglée, pour qui rien ne fait problème, qui ne doute de rien, si vous voulez, qui ne réfléchit pas suffisamment pour voir la complexité de l'existence, la complexité de tous les grands problèmes moraux. Celui-là, il peut passer aux yeux des gens pour un véritable sage. Sa vie est réglée, elle est ordonnée. Bon, au contraire, d'autres, le fou du roi ou Hamlet, ou d'autres personnages, et je pense en particulier aux artistes, aux comédiens. Vous avez tous vu à quoi servent les comédiens, à quoi sert cette troupe de comédiens. Dans un certain nombre de pièces de Shakespeare, l'action principale est traversée par une action secondaire. On est à la cour, il y a une fête ou une circonstance, et une troupe de comédiens est introduite, et on leur demande de jouer une pièce. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils font ici. Bon. Quel est le rôle des comédiens dans la pièce d'Hamlet? Je crois que quelqu'un veut parler. La pièce, là, ils servent à confondre le roi, c'est-à-dire qu'ils jouent devant lui la scène que le roi a jouée envers le roi qui est mort. Oui. Et Hamlet se rend compte, avant la fin de la représentation, que le roi actuel est bien le meurtrier de son père, lorsqu'il fait arrêter la représentation. Autrement dit, Les comédiens qui racontent des histoires inventées, n'est-ce pas, les histoires de leur comédie ou de leur tragédie, soufflées par Hamlet, mais ces histoires inventées sont plus vraies que la vérité, parce que la vérité, il y a une vérité officielle, si vous voulez. La vérité officielle, c'est que le roi est mort piqué par un serpent, c'est ça. Oui. Et le comédien, c'est celui qui va raconter des histoires sur cette mort, mais toutes ces histoires inventées, ça sera la vérité. Vous permettez qu'on lise trois lignes de Shakespeare? Mais je vous en prie. C'est lorsqu'Hamlet donne ses conseils à ses comédiens, qui seront les révélateurs de la vérité. Il leur dit, ne soyez pas non plus trop guindés, vous entendez? Fiez-vous plutôt à votre jugement, et réglez le geste sur la parole, et la parole sur le geste, en vous gardant surtout de ne jamais passer outre à la modération naturelle. Car tout excès de cette sorte s'écarte de l'intention du théâtre, dont l'objet a été dès l'origine et demeure encore de présenter pour ainsi dire un miroir à la nature et de montrer à la vertu son portrait, à la niaiserie son visage et au siècle même et à la société de ce temps quels sont leurs aspects et leurs caractères. Oui, d'abord, enfin là, Shakespeare profite justement de cet intermède théâtral pour donner son avis sur la façon dont les comédiens doivent jouer, parce qu'il paraît qu'à l'époque, ils en faisaient encore plus qu'à l'Istapriche. C'est vous dire, c'était très emphatique dans la façon de jouer. Il leur disait, soyez un petit peu plus calme. Ça, c'était presque des conseils techniques à d'autres comédiens, comme Molière était lui-même comédien. Mais ce qu'il y a aussi, et ça vous le verrez, vous qui êtes dans Seconde, vous ne l'avez pas encore fait, vous n'avez pas encore étudié, je pense pas, monsieur Guillaume, à moins qu'il ne soit très en avance, mais ce sera la même chose qu'ils verront en philosophie avec les réflexes pour le rire. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir quelqu'un qui subit ou qui, à qui il arrive quelque chose qui ne vous arrive pas à vous, et c'est pour cela que l'on peut rire. Bon, ça c'est Bergson, patati patata, j'ai des vieux restes. Mais c'est exactement ce qui se passe avec le problème des comédiens, c'est qu'on fait dire à des comédiens des choses que l'on n'oserait pas dire réellement. Hamlet ne peut pas dire à Claudius, c'est toi qui as tué papa, en gros. Alors il prend une troupe de comédiens qui lui fait dire, et Claudius craque et s'en va avant la fin de l'intermède théâtral. C'est, bon, le problème du chœur antique dont on parlait tout à l'heure, qui là est remplacé non plus par des chœurs au sens vocal du terme, mais par une troupe de comédiens. Et oui, avec cette technique... D'où commencent les remords. Voilà. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure. Et cette technique de l'époque baroque à laquelle appartient Shakespeare, qui consiste à mettre le théâtre dans le théâtre. Ionesco. Il y a une action principale, et dans cette action principale, on met une action secondaire. Et il arrive un moment où on ne sait plus quelle est la véritable action, quelle est la vie et quel est le théâtre. Et Shakespeare dit, évidemment, le monde est tellement bouleversé et tellement fou que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ceux qui sont sages, ce sont les fous, et ceux qui sont fous, ce sont ceux qui se disent sages. Ne sois vrai, mais ne doute pas de mon amour. Doute qu'un Dieu ait tout fait en sept jours, que la terre soit une poussière. Oh, doute de l'infini de l'univers, mais ne doute pas de mon amour. Soit plus chaud qu'un four, que la gravité est un centre. Oh, doute qu'un enfant vive dans un ventre, mais ne doute pas de mon amour. Au cas où vous ne le sauriez pas, Doute a été classé 8 parades de RTL. En plus, donc avouez quand même que les grands thèmes philosophiques sont toujours traités sur la station de radio la plus écoutée de France. À part cela, je crois que le doute, là aussi vous verrez ça un petit peu plus tard en philo, mais dès maintenant ça doit vous travailler un petit peu, et on verra après, to be or not to be, bien que les rapports soient assez lâches, je crois que le doute c'est l'un des grands thèmes et l'un des grands moteurs de la condition humaine, je crois. S'il n'y avait pas de doute, il n'y aurait pas de remise en question, et s'il n'y a pas de remise en question, il ne peut pas y avoir de progression dans la vie. Mais je vous dis, là, je crois peut-être que j'anticipe sur la classe de philo. Monsieur Guillaume, j'ai pas dit trop de bêtises jusqu'à maintenant. Mais je ne suis pas philosophe. Non, mais je vous fais confiance, quand même. Bon, alors, je suppose que vous avez lu le texte. Est-ce que vous doutez, en général? Est-ce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous posez la question? Ça dépend, il y a des actions naturelles qu'on fait sans se douter. C'est tellement habituel, on les fait sans y penser du tout, alors qu'il y a des actions qui sont habituelles, ça nous arrive très rarement. Où on doute, on réfléchit assez longtemps avant de le faire. Et de se poser la question si on doit le faire ou pas. À propos d'Hamlet, le doute dans Hamlet, est-ce que ça a déclenché chez vous un petit mécanisme de réflexion? Qui, par exemple? Voilà, ce jeune homme qui m'a l'air très en avance, il a l'air d'être le plus jeune de la classe. Ah, sur quel âge? 15 ans. Tu as l'air d'être le plus jeune. C'est possible. Est-ce que ça a déclenché chez toi un mécanisme? Non, je pense pas. Non. Parce que je vois, par exemple, tu as plein de documents devant toi, noirci des feuilles de papier, qu'il en sorte quelque chose. Non, c'est pas des feuilles noircies. Non, mais pas. Je voudrais te poser une question. Ouais. En général, pour toi, qu'est-ce que représente le doute? Ne parlons pas d'Hamlet, en général. Je veux dire, le doute, ça représente quand même quelque chose. Enfin, on n'a pas inventé, je veux dire, ce mot pour rien. Oh. Tu doutes jamais de rien? Si, je doute, mais... Je veux dire, par exemple, que tu as rendez-vous avec une jolie fille, et tu doutes pas qu'elle vienne au rendez-vous, pas? Ah non, elle vient. Elle vient. Alors, il a de la chance, parce que moi, ça ne m'arrive pas toujours. Mais je sais pas, quelqu'un pourrait me dire, parce que c'est à mon avis, c'est assez intéressant, qu'est-ce que représente le doute? On se pose des questions sur... Le plus simple de répondre dans des choses comme ça, c'est de faire comme moi, c'est de voir les choses qu'on doute soi-même. C'est ça. Parce qu'on doute toujours de quelque chose, ah. Et puis de répondre comme ça. Et de ne pas essayer de voir ce qui peut être le doute à travers quelqu'un d'autre. Parce que le doute, c'est quand même la chose la plus importante pendant tout le temps que se passe cette tragédie d'Hamlet. Et toute cette tragédie d'Hamlet est fondée là-dessus. Mm-hmm. Si vous regardez bien le texte, à mon avis, Gilles Thibault, il a réussi à vraiment bien définir ce qu'il voulait dire par là. Car le doute, finalement, et je sais que c'est difficile comme ça, à froid, comme ça, de dire, bon, qu'est-ce que représente le doute pour vous? Moi, je sais que si on me le posait comme ça, à froid, dans un micro, je suis pas sûr de pouvoir y répondre. Mais si on lit le texte, qu'a écrit Gilles Thibault, à mon avis, il décrit bien le doute. Ses doigts sont crochus, qu'il recompte ses sous, quand il a un pied en enfer, quand il se fait plaisir en rêvant de Saint-Doux, quand il a un pied en enfer. Quand pour tourner la page, il compte sur le vent. Quand il a un pied en enfer, quand il boit comme un trou et qu'il pisse à côté, quand il a un pied en enfer. Quand sa tête est gonflée, qu'il se prend pour un dieu, quand il a un pied en enfer, quand des sept capitaux, il en vit les péchés, quand il a les pieds en enfer. Mais ne le tue pas quand il prie, avec Dieu on ne sait jamais, ne l'envoie pas. Vous écoutez Ériger la radio de Junaïdé, Johnny de A à Z. Pour l'amour, vous n'avez plus l'âge. Votre sang est devenu sage. Votre chair est devenue molle. Et vos seins se rapprochent du sol. Vous ne savez plus faire naufrage. Vous n'avez plus l'eau à la bouche, ni la tempête quand on vous touche. Arrêtez de tordre vos mains. Je ne crois pas vos chagrins. Les crocodiles pleurent comme vous. Oh, laissez-moi tordre votre cou. Pour l'amour, vous n'avez plus l'âge. Votre cœur est un marécage. Le moindre souffle y fait des plis. Il sent la vase et le moisi. Pour l'amour, vous n'avez plus l'âge. Pourquoi pisser un mariage? Vous étiez si belle en tendresse. Arrêtez de tordre vos mains. Je ne crois pas à vos chagrins. Les crocodiles pleurent comme vous. Laissez-moi tendre votre cou. Arrêtez de tordre vos mains. Je ne crois pas à vos chagrins. Les crocodiles pleurent comme vous. Oh, laissez-moi. We'll be right back. Dans quelques instants, on va retrouver Johnny Hallyday au lycée Grandmont de Tours avec la fameuse classe de seconde pour cette émission spéciale RTL qui était diffusée le dimanche 6 février à 21h. Voici tout de suite To Be or Not To Be, extrait de l'album Hamlet. Thank you. Oublier notre public sur scène, ou est-ce que tu vas chanter Oublier notre public, ou des extraits d'Hamlet pour la tournée que tu vas faire? Non, je veux pas faire d'extraits. Si je fais Hamlet sur scène, je veux le faire entièrement, parce que des extraits d'Hamlet au milieu d'un tour de chant, ça va rien dire. Hors du contexte, ça vous a fait... en dehors que... Je l'ai pas fait dans cet esprit-là, mais en dehors de la musique que j'aime beaucoup, je ne vois pas ce que viendrait faire Hamlet entre Ne joue pas de rock'n'roll pour moi et Gabriel. Et Johnny Bigood, nous oublions pas. Et Johnny Bigood. Je crois que Mademoiselle Wagner, que nous avons eu tout à l'heure déjà, a une question. Non, je voudrais dire quelque chose. Tu voudrais dire quelque chose? Je crois, pour moi, durant cet épisode, Hamlet se demande s'il va se tuer lui-même ou s'il va tuer le roi. Il dit être ou ne pas être, est-ce que je tue le roi ou est-ce que je me tue moi? Je crois que dans To Be or Not To Be, Thibault a assez bien défini ce qu'il a ressenti d'abord et ce qu'à mon avis pas mal de gens peuvent ressentir par cette phrase. Comme il dit par exemple, je vais en dire deux, trois, hein, comme ça. Pour To Be or Not To Be, alors, encore choisir, choisir encore, choisir entre chair et poussière. Bon, par exemple, mourir, dormir, un point c'est tout, et plus de justice avoir boité. Dormir seul au fond de son trou, quelle question mortelle à poser. Mourir, dormir, rêver peut-être. Voir chaque nuit les souvenirs sortir de l'ombre comme des vampires et vous tournoyer dans la tête. Surtout, à mon avis, ce qui préoccupe tout le monde à 16 ans avec le suicide. Et puis, d'être vieux. Voilà, alors qu'il suffit d'un poignard pour que la question soit réglée. Je veux dire, je crois que très souvent, tout le monde est... notamment entre 15 et 20 ans, mettons, s'est dit, bon, c'est vrai, avec un coup de poignard, tout serait réglé, la question serait réglée. Parce que je sais que c'est toujours un peu compliqué, ou disons plus compliqué, d'écouter des textes avec de la musique, parce qu'il y a la musique, parce qu'on écoute une ambiance, parce qu'on écoute des musiciens, enfin, moi, personnellement, j'écoute toujours le bassiste, ou le batteur, ou le guitariste, et chaque personne entend quelque chose de différent. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de s'axer et de se concentrer sur un texte quand on le lit. Est-ce que vous avez compris en tout cas le texte? Et si vous l'avez compris, qu'est-ce que vous avez compris à travers ça? Voilà, parler un peu si vous voulez. Enfin, pas à travers ça, mais disons de ça. Soit du texte de la chanson, soit du texte de Shakespeare. On va revenir à des choses plus simples, parce que là, c'est plus facile. Voilà. Essayons de nous remettre encore plus au niveau du quotidien. Bon, prenons mademoiselle, là, qui est là. Si elle avait une petite sœur, si tu as une petite sœur qui a un an de moins que toi, qui vient et qui te dit, j'ai entendu quelqu'un à l'école aujourd'hui qui a dit to be or not to be, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Non, tu vas lui répondre, va jouer dans la cour et me casse pas les pieds. Non, mais à part ça... Je sais pas, je lui répondrai que c'est une question que tout le monde se pose et qu'en fin de compte, qui n'a pas de solution. Être ou ne pas être, tu considères donc que c'est une question philosophique et non pas dans le cadre de l'action d'Hamlet, où on a vu que c'était également le balancement permanent d'Hamlet entre sa lâcheté de ne pas oser tuer Claudius et... Oui, mais je crois aussi que c'est un problème. Il essaye de choisir entre ce qu'il vit réellement et la vie après sa mort. Enfin, il doute de sa religion. C'est pour ça qu'il ne sait pas s'il va se tuer ou alors s'il va rester en vie. C'est ce que tu dirais à ta petite sœur. Enfin, je ne sais pas si elle comprendrait, enfin. Non, mais le but, imaginons que tu sois à la place de Monsieur Guillaume. Tu as un cours à faire. On va prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé encore. Voilà, la demoiselle qui a le couloir beige et qui disait « J'espère que ce ne sera pas moi ». Tu as un cours à faire. Tu es à la place de Monsieur Guillaume, on te dit, voilà, thème aujourd'hui, to be or not to be. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je vois une main qui se lève juste derrière toi. Tu vois, tu es un sauveur. À mon avis, to be or not to be, c'est une question que tous les plus grands maîtres de tous les temps se sont posées. Et suivant les personnes, il y a eu différentes façons de donner une réponse. Mais et les réponses se différencient suivant les caractères des personnes et suivant le... À mon avis, le milieu d'où il se trouve, c'est une question pas résolvable en général. C'est suivant chaque individu et chaque société. Est-ce que quelqu'un voudrait essayer de répondre à cette question que je me pose en vous entendant et qu'on peut se poser à propos de Hamlet? Je vais lui répondre à elle parce que, à mon avis, to be or not to be, être ou ne pas être, c'est quelqu'un qui se demande, qui n'a pas le courage, ou qui a le courage de le faire et qui n'ose pas, entre la mort et la vie. Et c'est finalement tout se résume à ça. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Il en peut plus. Alors, il voudrait, mais il n'ose pas. Oui, il essaie de choisir entre deux mondes, enfin, ce qu'il vit réellement et ce qu'il va peut-être vivre en étant mort. Enfin, oui. Sa vie après bien sa mort. Sûr. Mais moi, je parlais de la vie actuelle, pendant qu'il était en vie. Est-ce que Shakespeare attribue un caractère à Hamlet? C'est pour vous donner des bases d'intervention. Vous voulez que je le dise, cela? Ah oui. À l'époque, on considère qu'il y a dans le corps humain quatre humeurs, comme on dit, fondamentales. Et on considère que le mélancolique, c'est-à-dire celui qui porte en lui étymologiquement la bile noire, c'est un tempérament absolument inapte à l'action, qui voit toutes les choses en noir et qui est irrémédiablement entraîné vers des états dépressifs de plus en plus profonds et mis dans l'incapacité totale d'agir. C'est ce qu'on appelle le mélancolique. Et alors, dans la croyance de l'époque, évidemment, ce mélancolique s'oppose au bilieux ou au sanguin, par exemple, ou au phlegmatique. C'est les trois caractères essentiels. Il est certain qu'ici, Shakespeare a voulu faire de Hamlet un mélancolique. Et je crois que ça peut situer un petit peu le doute. D'ailleurs, il y a deux chansons que nous allons sauter maintenant. La première qui s'appelle « Tue-le », qui est justement une exhortation à l'action, à laquelle Hamlet finalement ne se résoudra que tout à la fin. Il y a quand même une base dans le doute de tout. Et je crois que le mieux, c'est de l'écrire pour comprendre mieux. Alors je vais faire un truc. Johnny, prends une craie, va au tableau. Bon, disons que ce cercle-là, c'est la vie, hein. Ce cercle-là. Deux cercles sur le tableau noir, un qui représente la vie. La mort. Un qui représente la mort. Un ici. Un cercle au-dessus. Qui représente l'amour. Et l'amitié. Un autre ici qui représente la haine et la vengeance. Voilà, donc c'est quatre entités, l'amour, l'amitié, la mort, parce la haine, la vengeance. En général, à mon avis, de la vie de tout le monde, hein, pas seulement d'Hamlet, mais puisqu'on parle d'Hamlet, bon. Et au milieu, il y a le dodo. En tout cas, c'est comme ça, toi, que ta vie s'organise? Moi, c'est comme ça qu'elle s'organise, c'est comme ça que j'ai compris. Enfin, que j'ai compris, moi. Mm-hmm. Ma façon, moi, d'avoir compris Hamlet. Et ça m'a justement rapproché d'Hamlet, parce que moi, c'est comme ça que moi, je le vois. C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça que je le ressens, disons. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Guillaume, sur cette organisation en beaucoup plus simple, hein, qu'on ne comprenne pas trop. Oui. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie de la vie et de la mort. L'ensemble, et au milieu, il y a le doute. Il y a le doute, exactement. Et le doute qui est toujours au milieu de quelque chose. Qui est toujours au milieu du tout. Voilà, c'est ça qu'il faut les développer, que le doute est quand même le centre. Voilà. Le centre de la vie. Voilà. Le centre on vit autour de ça. Voilà. Et que tantôt il est créateur et tantôt destructeur. Voilà. Et je crois que c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça, quoi, c'est tout, parce que c'est plus facile de le voir et de l'expliquer, des fois, avec des mots. Ben voilà, vous avez eu un cours magistral au tableau noir, en plus, par Johnny. On va passer à un autre morceau, le temps de se rasseoir. Morceau, on ne peut plus significatif dans le déroulement de l'action, puisqu'il s'agit du cimetière. Les fossoyeurs jouent au bowling. Tête de turc, tête de king. Vous avez fait assez vieux os. Place aux jeunes filles, les mots nouveaux. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Quel chapeau te couvrait la tête. Une calotte, une casquette. Que vendais-tu à la sauvette? Du Jésus ou de la courbette? Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. vous avez bien lu les paroles attentivement. C'est quand même intéressant. Les fossoyeurs jouent au bowling. Tête de turc, tête de king. Vous avez fait d'assez vieux os. Place aux jeunes, crient les mots nouveaux. Crâne roule et tourne boule. Il y a peut-être un aspect dont on pourrait parler dans cette Hamlet qu'a fait Johnny Hallyday. C'est l'aspect musical de cette mise en musique d'Hamlet. Je pense que ça doit quand même vous brancher, entre guillemets, la musique, non? Est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs genres musicaux abordés dans l'album, c'est un double album, vous séduit? C'est pas tout du rock'n'roll, c'est pas tout du symphonique, c'est pas tout du folk, il y a un petit peu tous les aspects qui sont abordés. Oui, je voudrais d'abord dire, j'ai été surpris de la forme du débat parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je voyais plutôt quelque chose plus directement branché sur le disque, du fait que le livre, on l'a lu, mais on n'a pas eu le temps d'expliquer. J'aime bien me faire apostropher. Vous avez bien compris, bravo d'ailleurs d'avoir relevé la question. Oui, un peu. Et je tenais même à rajouter une chose, c'est que, à mon avis, pour vraiment bien comprendre même le personnage d'Hamlet, ou même les thèmes qu'on a discutés jusqu'à présent, ou qu'on a essayé en tout cas de discuter jusqu'à présent, à mon avis, vous êtes un peu jeune. Oui, c'est... Moi, un peu jeune, je veux dire, en tant qu'expérience dans la vie, et que pour bien comprendre et bien définir certaines choses qui sont expliquées dans cette œuvre, je ne parle pas de la mienne, je parle celle de Shakespeare, bien sûr, je crois qu'il faut avoir vécu un peu et pouvoir par la suite répondre en rapport aux propres expériences qu'on a fait à soi-même, parce que c'est bien beau d'apprendre des choses dans les livres qu'on retient des fois par cœur comme un perroquet, mais je crois que la grande culture générale, en dehors de la culture littéraire, se fait également par ce qu'on apprend tous les jours dans la vie, par les déceptions, l'amitié, la haine, l'amour, enfin, etc., etc. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là on fait une étude un peu de l'œuvre de Shakespeare, alors j'aurais préféré voir Hamlet comme vous l'avez vu, vous, est-ce qu'il vous passionne à travers. Moi aussi je préfère comme ça, ça m'inspire. Par exemple, la musique au début, quand le roi est mort, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine violence, et quand j'ai lu le livre, au contraire, il me semblait que c'était assez calme, alors que la musique est assez violente quand même. Oui, mais attention, il y a une chose que j'ai bien expliquée au début, et que j'ai essayé d'expliquer dans le disque, c'est que Hamlet, chanté par Hallyday, est vu par Hallyday. Chaque personne qui lit quelque chose interprète ça à sa propre manière, ou le comprend comme il le veut. Moi, disons que je l'ai interprété à ma manière, et libre à n'importe qui de le prendre et de le recevoir, ou de ne pas le recevoir d'ailleurs, et de l'interpréter à sa propre manière. Oui, mais justement, je ne critique pas la musique, je dis simplement que j'aurais plutôt vu l'inverse, vu que la fin de la pièce, c'est une sorte de fin du monde, d'apocalypse, j'aurais plutôt vu la violence en fin de livre, plutôt qu'au début, où c'est le doute, ça serait plutôt... Moi pas, parce que moi, pour moi, le doute, c'est avec la violence. Quand on a le doute, on veut se battre contre cette chose. Pour moi, la fin du monde, ça représente l'apaisement. J'espère mourir tranquillement. Ouais, je me permets aussi de pas être tellement d'accord, parce que tu dis au début c'est plutôt le calme. Je veux dire, un spectre qui apparaît sur un château à Elsonneur sur les bords de la mer, c'est pas une vision calme. C'est pas violent, c'est mystérieux. Et pour moi le mystère c'est plutôt quelque chose de calme. Oui, ça peut se concevoir également, effectivement. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui a ressenti le début de Vieux Roi est mort, par exemple, de la même manière, ou qui le pense d'une façon différente, ou qui l'a reçu, disons, d'une façon différente. S'il le voit, par exemple, comme lui, qu'il le voit, l'apparition, par exemple, du spectre, etc., etc., qu'il le voit d'une façon plutôt calme. Moi, je le vois aussi de façon calme et lugubre et pas violente. Mais j'ai pas essayé d'en faire quelque chose de violent, j'ai essayé d'en faire quelque chose de lugubre. Alors, j'ai dû mal m'y prendre. Est-ce que vous pensez que le rock'n'roll, entre guillemets, donc, est une forme qui s'adapte bien à ce genre d'adaptation? Moi, personnellement, j'ai pas été choqué par la musique sur Hamlet, du fait que je trouve qu'Hamlet est un sujet d'actualité, et surtout pour nous, vu que le personnage Hamlet est à peu près à notre âge, et on retrouve à peu près les mêmes questions, les mêmes problèmes. Donc ça a été mis d'actualité, quoi, c'est pour ça. Et je pense qu'une autre œuvre n'aurait pas aussi bien réussi sur une telle musique. Ça, c'est intéressant, ce que tu dis. En quoi, toi, tu pourrais t'identifier au personnage d'Hamlet? Parce qu'on a essayé d'identifier Johnny, mais toi, qu'est-ce que tu as de commun avec lui? On peut parler de choses en commun, mais Le doute, comme on a parlé tout à l'heure, je trouve que c'est quelque chose de notre âge. On n'est pas sûr, quoi. On remet tout en question, on se pose des problèmes, et il est évident que on retrouve dans le monologue de Hamlet des questions qu'on s'est posées nous-mêmes quand on commençait à réfléchir sur finalement ce qui nous entourait et même la façon de vivre. À mon avis, il a bien compris ce que moi j'ai à peu près compris aussi quand. Si j'ai compris quelque chose, quand j'ai. Oui, se demander si tout n'est pas vain. Non, je crois qu'il a bien compris ce qu'est le doute. On se pose tous des questions. Moi, je sais que quand j'avais 16 ans, je me posais aussi des questions et j'avais le doute à tout ce que je faisais. J'avais même le doute de ce que j'allais faire plus tard, de ce que j'allais devenir. Bon, on va passer à la mort d'Ophélie, qui est l'un des points cruciaux de Hamlet. Revanche. Je prendrai un couteau d'acier et j'irai dans la forêt. Le jour, la nuit, sans m'arrêter sur tous les arbres, je graverai. Je l'aimais. Je prendrai un bateau d'acier et j'irai sur l'océan. Je chercherai des ouragans et face au vent, je crierai. Je l'aimais. Ophélie, c'est un aspect même très visuel d'Hamlet. Est-ce que tu as, Denis, assimilé Ophélie à quelqu'un que tu as connu, par exemple? Non, j'ai assimilé Ophélie à quelqu'un que j'aurais voulu connaître. Quels sont les sentiments qui vous animent, je veux dire, à l'égard d'Ophélie? Je veux dire, est-ce qu'à votre avis, elle s'est suicidée ou est-ce qu'elle a été assassinée? Je pense que la façon dont elle est morte apporte peu. Le fait est que c'est le mal qui agit sur elle. C'est-à-dire que c'est un être faible qui ne supporte pas toutes les pressions et le fait que Hamlet l'ait rejetée, donc elle cristallise comme ça tout le mal sur elle. Non, moi je pense plutôt que c'est plutôt un accident parce qu'elle est morte heureuse. Parce qu'elle trace des guirlandes de fleurs. Je pense que si elle trace des guirlandes de fleurs, c'est qu'elle est heureuse. Et si elle meurt, c'est par un accident. Le suicide, c'est peu vraisemblable. Et puis, l'assassinat, encore moins. De toute façon, dans sa mort, on ne sait pas comment elle est morte. Vraiment, c'est vraiment le doute aussi. C'est pareil que le thème revient constamment. Mm-hmm. On ne sait pas du tout comment elle est morte. Hein. Est-ce que vous ne croyez pas que la façon dont elle meurt indique ce qu'était la vie pour elle, enfin, indique ce qu'était son existence et ce qu'était son personnage, et en quoi ce personnage se distingue des autres, justement, parce qu'elle n'a pas une mort comme celle des autres. Là, on voit qu'elle a une mort très poétique, elle s'en va au fil de l'eau comme un nénuphar, et elle a une mort très jolie, et la musique va très bien avec. Est-ce que vous croyez que Ophélie est morte parce que c'était une personne, par exemple, faible? Qui n'a pas supporté tout ce qui se passait autour d'elle et son amour pour Hamlet, et que la folie, et donc à la suite de ça elle est devenue folle, et que la folie a fait qu'elle ne se suicide pas, mais que comme elle ne savait plus très bien ce qu'elle faisait, qu'elle soit, ce que soit simplement un accident. Je pense que c'est plutôt la deuxième version, la folie ne lui l'empêche de faire ce qu'elle veut exactement. Je voudrais savoir moi si la musique renforce l'action. Ah ben c'est nous qui te posons la question. Est-ce que la musique renforce l'action? À ton avis? À mon avis, oui, elle la renforce. Oui. Tu, je veux dire, chaque... Et je voudrais savoir l'avis de Johnny. Non, moi je crois pas que la musique renforce l'action. Je crois, disons, plutôt qu'elle... Elle image l'action, plutôt. Disons que la musique donne une ambiance à la mort, finalement, d'Ophélie. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez fait passer l'enterrement d'Ophélie avant sa mort, alors que dans le livre, c'était le contraire. Ah non, on l'enterre pas avant qu'elle ne meure. Non, enfin, vous avez... justement, dans le disque, vous avez fait passer l'enterrement avant de décrire sa mort, alors que dans le livre, on décrit sa mort et après son enterrement. Accusé de venir à l'idée, répondez. Alors là, d'abord, je ne m'en suis pas rendu compte. Deuxièmement, c'est grave parce que j'ai... Son avocat favori, Thibault, qui est l'auteur, n'est pas là. Et je veux dire très honnêtement, j'ai pas vraiment fait attention. Là, vous me posez un problème. Et je ne suis pas responsable non plus des textes. Je ne l'ai pas écrit. Bon, on lui trouvera des circonstances atténuantes sans plus. On va finir justement avec le duel. Elle peut venir quand il faut pas. Comme un cheveu sur la soupe. Comme un as sous. C'est tellement con, l'amour. C'est tellement con, l'amour. Je vous souhaite le bonjour, monsieur. Et si c'est le dernier, je vous souhaite la belle mort, monsieur. Elle peut venir de n'importe où. C'est tellement con, la mort. C'est tellement con, la mort. Je vous souhaite le bonjour, monsieur. Et si c'est le dernier, je vous souhaite la belle mort, monsieur. Elle peut venir n'importe quand. Au printemps comme en hiver. Ou qu'on l'espère, qu'on soit deux ou simplement, mais jamais au bon moment. C'est tellement beau, la vie, c'est tellement beau. Oui, la vie, c'est tellement beau, la vie. Je l'aimais. Je l'aimais. Oh, je l'aimais. dire tout simplement une phrase que l'on emploie très souvent dans le langage quotidien qui dit « c'est tellement con la mort ». Est-ce que c'est un truc auquel vous pensez souvent, quotidiennement, la mort, là je vois quelqu'un qui opine du bonheur. Bah oui, je trouve que c'est con la mort parce que... enfin, je pense que tout le monde doit penser pareil. Tu voudrais pouvoir être immortel ? Ah non. Il y en a d'autres qui pensent à la mort ou qui en ont peur ou qui n'en ont pas peur, par exemple. Oui ? Tout là-bas. Je pense que la mort, dans une certaine mesure, n'est pas con du tout parce que c'est ce qui donne le sens à la vie. Et sans la mort, la vie n'aurait plus aucun sens. Réponse, question, argumentation. Oui, peut-être, je suis d'accord avec lui, mais enfin, la mort survient souvent au moment où on l'attend la moins. Mmh. Et de plus, on ne sait pas ce qui nous attend après. Johnny, tu as déjà souhaité la mort. Bon, tu t'es suicidé plusieurs fois. Oui, ben moi, j'ai souvent souhaité la mort, oui. Et c'était... Mais je crois que c'est une chose que je ne referai plus parce que ça laisse quand même des traces, je veux dire, pour soi-même. Et que finalement, c'est une certaine preuve de lâcheté de se suicider. C'est-à-dire, de souhaiter la mort et d'essayer d'attenter à sa vie, finalement, c'est de ne pas avoir le courage de vivre. Et je crois que c'est beaucoup plus difficile de vivre que de mourir. Oui, là encore, en ayant le pari, qu'y aura-t-il derrière la mort ? Je ne sais pas ce qu'il y aura derrière et je m'en fous. La fin d'Hamlet est une fin apocalyptique, parce que tout le monde meurt. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est un petit peu comme dans les bandes dessinées ou les romans policiers? Quand on ne sait plus quoi faire d'un personnage, pan, il meurt, comme ça on n'en parle plus. Vous voyez ça comme ça? J'ai l'impression que ça se termine parce qu'il y a tout un cycle. Il y a eu à l'origine le mal, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé votre premier morceau, le mal. À partir du moment où l'ordre du monde a été dévoyé, détourné, on a touché à une pièce, et comme le monde est ordonné, de proche en proche, toutes les pièces du monde se sont mises à aller de travers. Et ça a entraîné des catastrophes de plus en plus grandes. Au début, les méchants maîtrisaient le mal, si vous voulez, c'est en cela qu'ils pouvaient être appelés méchants, mais il arrive un moment où plus personne n'est bon ou méchant, le mal lui-même, c'est le grand torrent qui emporte tout, si vous voulez, c'est la catastrophe finale, une seconde d'inattention, comme dirait Prévert, et on boit le poison qui était destiné à l'autre, c'est ce qui se passe à la fin de la pièce. J'ai quand même l'impression qu'à la fin de la pièce, ici, le cycle du mal s'est terminé, c'est allé jusqu'à son bout, le mal lui-même s'est vidé de sa propre substance, une espèce de grand vent a tout balayé, le ciel est bleu à nouveau, et on recommence. Je pense donc, contrairement à ce que vous avez dit, que ça n'est pas un dénouement fortuit où il faut bien se débarrasser des personnages. Je suis d'accord, parce qu'à mon avis, ça a été construit d'une façon, pas comme commençant un bouquin... En arrivant, en développant l'action, l'histoire, et puis en se disant, bon, maintenant, il faut bien terminer, mais plutôt que ça a été construit en bloc pensé. Je dirais pas que ça a commencé par la fin pour arriver au début, mais ça, disons que c'est une façon, disons, un peu plus simple de l'expliquer, que ça a été construit comme une histoire, avec la fin pensée au début comme étant une chose normale, et pas en se disant, le bouquin commence comme ça, on ne sait pas comment terminer, alors on fait mourir tout le monde. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Moi aussi, je suis content de voir... C'était mon côté Raymond Rouleau de la chose, ou le côté show business de la chose, il fallait bien que les choses aient une fin, tout comme cette émission d'ailleurs, qui maintenant tire à sa fin avec la fin de cet album, la fin de l'écoute de cet album d'Hamlet. Il est certain que nous n'avons pas été terriblement en profondeur dans les choses, nous n'avons fait qu'effleurer à peine les quelques thèmes qui sont abordés dans Hamlet, mais je crois que mon souhait le plus cher serait, tout comme celui de Johnny, je pense, d'avoir pu donner envie aux gens, peut-être de se mettre la tête dans Hamlet, que le fait qu'ils écoutent ce disque leur donne envie de prendre la collection classique pour tous et de lire Hamlet, parce que tout le monde s'aperçoit que finalement on ne connaît pas du tout l'histoire, ou on la connaît très très mal. à vous tous qui êtes ici, que je tiens encore à remercier de votre gentillesse, de votre patience. J'espère aussi que ça vous aura donné l'envie, peut-être maintenant, de réfléchir à des questions que vous pourrez poser à Johnny peut-être la prochaine fois, ou en tout cas que ça vous aura donné envie d'aller dans Hamlet un petit peu plus profondément. Et puis malheureusement, l'heure passant, il va falloir que nous quittions. Monsieur Guillaume, je tiens à vous remercier d'abord de toute la gentillesse que vous avez bien voulu nous manifester, et la preuve en a été ces deux heures que nous avons passées ensemble à cette table magistrale, professorale en tout cas, devant ses élèves, dans des conditions qui ne sont pas vos conditions de travail habituelles, puisque lumière, photographe, musique, oui, télévision, c'est assez peu habituel. Je tiens également à remercier le proviseur du lycée Grandmont, M. Demeuse. Nous allons continuer notre émission jusqu'à minuit, comme tous les dimanches soirs. Mais je tiens à vous remercier et à vous dire très sincèrement que ce soit Johnny, que ce soit moi, que ce soit tous les gens qui sont venus de Paris, à cette occasion, nous avions un trac énorme, c'est le moins qu'on puisse dire, d'abord d'être pris en flagrant délit d'inculture. Là, ça nous a replongé dans un bain qui, en tout cas pour moi, avait des odeurs bien anciennes. Et j'avoue que ces deux heures ont été plus qu'agréables pour nous, et je tiens vraiment à vous en remercier. Et en tout cas, vous dire pour moi, ça a été une expérience formidable. Et je vous remercie d'avoir passé ces deux heures avec nous. Et en tout cas, ce que moi je peux considérer comme étant quand même, s'il y a quelque chose de réussi, c'est que en faisant quelque chose comme ça, j'espère faire d'autres choses. C'est que des gens qui peut-être qui n'auraient pas eu l'idée ou envie de lire par exemple des choses, c'est que ça leur donne peut-être envie de lire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas lues autrement. Ou des découvertes, des choses que finalement c'est pas si mal. En somme, je pourrais dire un mot. Oui. J'ai eu un certain nombre de problèmes moi aussi, j'ai hésité beaucoup avant d'oser cette expérience, mais ce que je voudrais vous dire, c'est pas tellement cela, c'est que j'ai malheureusement assisté seulement à la fin de ce que vous avez fait, et j'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Je trouvais ça tout à fait remarquable parce que il y a 10 ans dans le département, vous êtes ici d'ailleurs dans un centre de rénovation pédagogique, vous avez vu comment il est équipé au point de vue audiovisuel. Oui. Nous recyclons, nous avons déjà recyclé à peu près 900 mètres dans le cadre, n'est-ce pas, des principaux moyens de l'audiovision, n'est-ce pas, et je crois que c'est très important. Mais ce que vous avez fait, ça ressemble étonnamment à ce que je préconise personnellement depuis très longtemps, c'est-à-dire à un éclatement, à un foisonnement à la vie. Vous avez montré que la vie peut entrer dans l'école, et en ça je vous en remercie. Merci. C'est nous qui vous remercions, et puis à très bientôt, peut-être sous la bulle embarquée. Non, c'est fini, notre semaine à Tours est terminée, mais en tout cas à l'écoute de RTL, à l'écoute de l'album de Johnny, et pour la fin de notre émission, merci et au revoir. je pense que finalement, en France, les jeunes sont pas si comme ça. Et que. Ils méritent qu'on s'approfondisse plus sur leurs problèmes parce qu'ils sont intelligents. Ils ne demandent qu'une chose, c'est à se cultiver. Il faut peut-être simplement leur donner envie de se cultiver. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A-Z avec l'album de la semaine Hamlet et avec Johnny Hallyday au lycée Grammont de Tours en 1977, une émission réalisée par RTL. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission attentivement et je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Jean-François Chenu pour parler de son dernier livre « Tout Johnny » aux éditions Flammarion qu'il a écrit avec Bernard Fossé et avec Thibaut Geffrotta. A bientôt à toutes et à tous, ciao ciao.